Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. J'espère que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et oui, qu'on commence un mardi. Hier, c'était le lundi de la Pentecôte, c'était au repos. Nous sommes le mardi 11 juin, nous souhaitons une bonne fête aux Barnabés. Ça vient de l'hébreu « fils du prophète ». Les Barnabés sont terriblement énigmatiques et difficiles à saisir. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce sont des êtres à part, souvent mal compris de leur environnement et perçus comme originaux. Extrêmement intériorisés, ils tendent à l'introversion ou à l'introspection. Ce sont des inquiets et des tourmentés qui recherchent des réponses à leur angoisse métaphysique ou à leur malaise de vivre. Très émotifs et hypersensibles, ils se protègent derrière de la froideur, de la distance, voire du cynisme et de l'ironie qui ne sont pas sans dérouter leurs proches. C'est souvent par l'humour ou la dérision qu'ils réagissent face aux sentiments, car ils ont peur du monde et tendent avant tout à se protéger. En fait, leur personnalité se réalise véritablement à la maturité avec l'acquisition d'une certaine sagesse. Ils peuvent devenir des philosophes. Mais auparavant, timidité, solitude, inhibition, peur et repliement sur soi-même seront des traits de leur caractère. Bien que très nerveux, ils arrivent à avoir un certain empire sur eux-mêmes. Face à l'hostilité, ils ont tendance à fuir car ils ne sont pas toujours armés pour la lutte. S'ils ne se réalisent pas dans une dimension intellectuelle ou spirituelle, ils peuvent se sentir inadapté et parfois même se tourner vers les paradis artificiels. Dicton du jour, le soleil de Saint-Barnabé à Saint-Médard casse le nez. Célébration internationale aujourd'hui aux États-Unis à Hawaï. C'est la fête de Kamehameha en l'honneur de Kamehameha Ier qui établit progressivement le premier royaume unifié d'Hawaï de 1795 à 1810. Et dans les événements qui se sont déroulés à 11 juin 1770, l'explorateur James Cook découvrait la grande barrière de corail. En 1775 avait lieu le sacre de Louis XVI en la cathédrale de Reims. Et en 1982, c'était la sortie du film E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg aux États-Unis. Allez, tout de suite, on va marquer une première pause musicale avec les ZZ Top et leur titre Legs. Yeah. Les ZZ Top avec leur titre Legs sur RGM, un peu plus de 8h37. Il est temps pour nous de parler anniversaire avec ceux qui sont nés un 11 juin 1949. Naissance de Frank Bard, musicien américain, batteur du groupe ZZ Top. 1953, naissance de José Bové, syndicaliste militant altermondialiste français. C'est également l'année de naissance de Peter Bergman, acteur américain connu pour son rôle de Jack Abbott dans la série Les Feux de l'amour, rôle qu'il reprend d'ailleurs dans quelques épisodes d'Amour, Gloire et Beauté. 1955, naissance de Sylvie Flep, actrice française connue pour son rôle de Myrta Torres dans la série télé Plus belle la vie. 1959, naissance de Hugh Laurie, comédien, musicien britannique vu dans Raison et Sentiment dans le rôle de Monsieur Palmer, Les 101 Dalmatiens dans le rôle de Jasper, L'homme au masque de fer dans le rôle du conseiller du roi, Stuart Little 1, 2 et 3 dans le rôle de Frédéric Little, la série Dr House bien évidemment dans le rôle du docteur Gregory House, Catch 22 mini-série où il interprète le major Coverly. 1964, naissance de Jean Alizy, ancien pilote de Formule 1 français ayant fait carrière de 1989 à 2001. À son actif, 201 courses, 32 podiums, une victoire. 1969, naissance de Magloire Delcroze Varro, plus connu sous le nom de Magloire, tout simplement chroniqueur, animateur télé et radio français. C'est également l'année de naissance de Peter Dinklage, acteur américain vu dans Le Monde de Narnia, Le Prince Caspian dans le rôle du nain Trompillon, X-Men Days of Future Past dans le rôle de Bolivar Trask, Avengers Infinity War dans le rôle d'Eitri ou encore la série Game of Thrones dans le rôle de Tyrion Lannister. 1978, naissance de Joshua Jackson, je vais y arriver, acteur canadien, vu au cinéma dans Urban Legend, Sex Intention dans le rôle de Blaine Tuttle, Ocean's Eleven, mais on le connaît surtout pour son rôle de Pacey Witter dans la série Dawson et son rôle de Peter Bishop dans la série Fringe. 1986, naissance de Shia LaBeouf, acteur américain, vu dans Charlie's Angel, Les Anges se déchaînent, Dumb and Dumber, iRobot, Transformers 1, 2 et 3 dans le rôle de Sam Witwicky, Indiana Jones et au Royaume du Crâne de Cristal dans le rôle de Mutt Williams, alias Henry Jones Jr., troisième du nom. Wall Street, l'argent ne dort jamais dans le rôle de Jake Moore, sous surveillance, Nymphomaniac 1 et 2 dans le rôle de Jérôme Morris, Fury dans le rôle de l'officier militaire Boyd Swan ou encore la série télé La Guerre des Stevens dans le rôle de Louis Stevens. 1988, naissance de Claire Holt, actrice mannequin australienne, découverte dans la série H2O dans le rôle d'Emma Gilbert et connue grâce à son rôle de Rebecca Michelson dans les séries Vampire Diaries et The Originals. 1990, naissance de Christophe Lemaître, athlète français spécialiste des épreuves de sprint, qui aux Jeux Olympiques compte 2 médailles de bronze, aux championnats du monde une médaille d'argent et une de bronze. 1992, naissance de Jane Simon, acteur britannique, connu pour son rôle de Lancel Lannister dans la série Game of Thrones. C'est également l'année de naissance de Julien Alaphilippe, cycliste français, initialement spécialiste du cyclocross. Il s'est consacré au cyclisme sur route depuis son passage pro en 2013. Et à son actif, il compte le Tour de Californie 2016, le Tour de Grande-Bretagne 2018, le classement de meilleur grimpeur du Tour de France en 2018. Trois étapes remportées sur les grands tours, deux sur le Tour de France, une sur le Tour d'Espagne et dans les classiques, la Flèche Wallonne 2018 et 2019, la classique de San Sébastien en 2018, la Strade Bianchi en 2019 et Milan-San Remo en 2019. 1999, naissance de Caitlin Nacon, actrice américaine connue pour son rôle d'Enid dans la série télé The Walking Dead. En -323, décédé Alexandre le Grand, roi de Macédoine et conquérant de l'Antiquité. En 1847, décédé John Franklin, explorateur britannique qui, au cours de plusieurs expéditions, a cartographié près de deux tiers de la côte nord de l'Amérique. En 1979, décédé John Wayne, acteur américain vu dans Rio Grande, Rio Bravo, l'homme qui tue à Liberty Valence, le jour le plus long ou encore la conquête de l'Ouest. En 1999, décédé de Forest Kelly, acteur américain connu pour son rôle du docteur Leonard McCoy, alias Bones dans la série des films Star Trek. Et en 2018, on apprenait le décès d'Yvette Horner, accordéoniste et pianiste française. Allez, tout de suite, nouvelle pause avec une nouveauté ciné Soprano et Vincenzo. Ça s'intitule Le Coach. Hey, pompe, barre, enchaîne les squats, enchaîne les squats, enchaîne les squats, squat, squat, abdo jibs, pompe, barre, abdo jibs, pompe, barre, frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac, sac. Allez, va chercher le chrono, va chercher le chrono. Tous ensemble à la ligne d'arrivée, tous ensemble à la ligne d'arrivée. On va taper dans le cardio, on va taper dans le cardio. On va viser dans le coach, tu vas savoir qui est coach. Secondes de récup et on repart. Soprano Vincenzo sur le titre Le Coach. Ben ça nous met dans l'ambiance hein, si pour la salle de sport. C'est franchement pas mal du tout. Allez, il est un peu plus, enfin non, je vais peut-être même dire presque 8h46 et il est temps pour nous de parler météo. La météo. Bon alors c'est pas folichon aujourd'hui, hein. On va passer la journée sous les nuages et la pluie, des températures comprises entre 12 et 13 degrés ce matin, entre 14 et 15 degrés pour cet après-midi. Pour mercredi on aura encore un petit peu de pluie, ensuite on aura des éclaircies, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin, entre 17 et 19 degrés prévus pour mercredi après-midi. Jeudi devrait être une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 12 et 13 degrés le matin et entre 21 et 22 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on passe à l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence bien évidemment avec le foot féminin. Avec, vous l'aurez reconnu, un hymne de la Coupe du Monde féminine. Et la France qui a très bien entamé sa Coupe du Monde avec une victoire vendredi 4-0 face à la Corée du Sud. Début signé Eugénie Le Sommer, un doublé de Wendy Renard. Et enfin, pour terminer, un but de la capitaine Amandine Henry. Très belle réussite tant sur le plan sportif qu'à la télévision également, puisque le match a été suivi par presque de 10 millions de téléspectateurs. Demain, mercredi, prochain match pour l'équipe de France, ce sera contre la Norvège. Attention les yeux. Allez, dans les autres résultats, en football, messieurs, cette fois là, avec la qualification pour l'Euro, la France fantomatique. Samedi en Turquie, elle s'est inclinée 2-0. Deuxième défaite pour les Bleus sur les 21 derniers matchs. Mais voilà, personne n'y était, si ce n'est peut-être Hugo Lloris qui a quand même sauvé la baraque à plusieurs reprises. En tout cas, il va falloir clairement se reprendre et dès ce soir en Andorre. En Ligue des Nations, c'est le Portugal qui a remporté la première édition de la Ligue des Nations en battant le Pays-Bas 1-0. Allez, maintenant on parle basket. Allez, basket féminin avec la prépa pour l'Euro 2019 où la France a battu par deux fois ce week-end l'Ukraine. Du côté de chez nous, avec le tournoi U18, le Jet Vosges s'est incliné en finale malheureusement. Et on parle finale avec la NBA. Cette nuit, les Golden State Warriors se sont imposés d'un cheveu 106 à 105 face à Toronto. Ils s'offrent donc un match 6 pour pourquoi pas égaliser avec Toronto qui mène la finale 3-2. Ce match 6 aura lieu pour nous Français dans la nuit de jeudi à vendredi. Et on va parler de Tony Parker. C'est l'information depuis hier soir. Il a mis un message sur ses différents réseaux sociaux. Je vais vous le lire hein, tout simplement. C'est avec une grande émotion que je mets un terme à ma carrière. J'ai beaucoup travaillé, énormément reçu. C'était une aventure incroyable. Même dans mes rêves les plus plus fou, je n'aurais jamais pensé vivre ces moments exceptionnels en équipe de France et en NBA. Merci. Et oui, des moments exceptionnels, il en a vécu puisqu'il a remporté 4 titres NBA, notamment avec les Spurs de San Antonio, équipe avec laquelle il a clairement fait les trois quarts de sa carrière. Il y est resté 17 ans. La saison dernière, il était avec l'équipe de Charlotte. Et voilà, donc décision clairement réfléchie en concertation avec plusieurs membres de sa famille. Et voilà, donc Tony Parker arrête sa carrière. Alors depuis, de nombreux messages sont parus sur les différents réseaux sociaux, notamment de ses anciens coéquipiers, Florent Pietrus, Rudy Gobert. Il y a même des messages de Teddy Riner, Martin Fourcade et j'en passe. Et c'est vrai que Tony Parker, on a avait un peu l'espoir de le voir à Paris en janvier prochain, puisque je vous le rappelle, la NBA fait son grand retour en France avec un match notamment de Charlotte. Et voilà, donc on avait l'espoir de le voir jouer, mais malheureusement on pourra le croiser à la Corotel Arena, mais seulement dans les travées. Il sera là en tant que spectateur. C'est bien dommage pour tous les fans de basket. Allez, on continue l'actualité sportive et on va parler Formule 1 avec le grand Prix du Canada qui a été remporté par Hamilton devant Vettel et a noté la 3e place de Leclerc, la 8e place de Gasly et la 14e place de Grosjean. En hockey sur glace, en NHL, on aura un match 7 puisque les deux équipes n'ont pas réussi à se départager pour l'instant. 3 partout entre Boston et Saint-Louis. Le match 7 aura lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Et du côté de chez nous, l'Épinal Hockey Club, 2 annonces ce week-end, la prolongation du défenseur Martin Charpentier et l'arrivée de Dominique Fouilleric, qu'on connaît bien à Épinal puisqu'il a évolué sous l'ère Guémio en Ligue Magnus la saison dernière. Il évoluait à Strasbourg. Et on va terminer cette actualité avec du tennis et on va parler bien évidemment des résultats de Roland Garros. Et côté double dame, la belle performance de la paire Mladenovic et Babos qui ont battu en finale le duo chinois Duan et Zeng, 6-2, 6-3. À noter qu'à partir d'hier, qu'à compter d'hier, Kristina Mladenovic est numéro 1 mondial du double féminin. En double messieurs, la défaite de la paire française Chardy Martin qui s'incline en 2-7 face à la paire allemande. En tennis fauteuil, la paire française Houdet et Pfeffer se sont malheureusement inclinés dans le super tie-break de leur finale. La finale dames a été remportée par Barty qui a battu en 2-7 6-1, 6-3 Vondrousova. Et la finale messieurs, a été remporté par Raphaël Nadal. Pas trop de suspense, on a l'habitude, ça fait 12 titres pour l'Espagnol, 18 grands chelems. Il a battu donc Dominique Thiem en 4-7, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Dominique Thiem a notamment déclaré « C'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, j'ai vu pourquoi. » Après le deuxième set, j'ai un peu baissé de niveau, ce qui n'est pas si dramatique contre la plupart des joueurs, mais lui en a profité et m'a marché dessus. C'est vrai qu'ils ont fait jeu égal dans les deux premiers sets, mais alors après, Rafael Nadal a clairement déroulé. 6-1, 6-1, le score est clair et net. Et Rafael Nadal qui peut s'approcher du record de Roger Federer qui détient 20 grands chelems. L'Espagnol n'est plus qu'à deux grands chelems de rejoindre Roger Federer. Voilà, où s'arrêteront-ils les deux là, puisque Roger Federer, 37 ans, est quand même arrivé jusqu'en demi-finale de Roland-Garros sur terre battue, qui n'est pas sa surface de prédilection. Et Rafael Nadal, 33 ans, mais qui a eu pas mal de blessures. D'ailleurs, cette année, c'était un petit peu compliqué pour lui. Et bien voilà, Roland-Garros, il prouve encore une fois que c'est le maître des lieux. Rendez-vous l'année prochaine pour savoir qui succédera à Rafael Nadal. Peut-être Rafael Nadal lui-même. Allez, on termine avec les tournois de cette semaine. À noter à Stuttgart hier la qualification de Tsonga. Aujourd'hui, mon fils affrontera Johnson. Pouille se repose à Lopez et Simon à Gojovzik. À Nottingham, noté aujourd'hui Garcia face à Baines, Mladenovic face à Freck et Paquet opposé à Rodina. Et côté messieurs, Kwako affrontera Smith et à Boilduc. À noter hier l'élimination d'Imbert. Aujourd'hui, Gasquet affrontera Bédéné. Madarino se repose à Debecker et Herbert à Ebden. Et côté féminin, Ferro affrontera Bonaventure. Voilà pour l'actualité sportive. C'était riche hein, ce mardi matin. On va tout de suite marquer une dernière pause musicale avec une nouveauté là aussi. C'est Avicii en featuring avec Chris Martin. Ça s'intitule Heaven. Avicii, Chris Martin sur le titre Heaven. Il est presque 9h hein, et c'est donc l'heure de se dire au revoir avant de se quitter. Un point sur ce qui vous attend. Dans quelques secondes, ce sera durablement vôtre. À midi, la bulle de l'IA consacrée au Festival de Sion. 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur avec l'IA. Ensuite, à 20h, la parole est à vous avec Michel. 22h, J'ai mais je vous le lis avec Dominique. Et 23h, 20 Flight Rock et minuit, la rediffusion de la bulle de l'IA. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.